J'ai sali l'Église dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous avons chanté comme des rachetés. Si les gens dans ce monde chantent pour les députés, ils chantent pour les gouverneurs, danse jusqu'à se jeter même par terre. À combien plus fort raison le roi des rois. Maranga pisachie tu kuna mufal na wafal. Il est plus qu'un président. Anashindia atarai. Plus qu'un roi. Anashindia mufal. Le roi des rois. Sababu yeye ni mufal me wafal. Celui qui nous a fait. Yeye njo atumba. Et nous lui appartenons. Nashie tu kubaki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu embariki. Remercie le Seigneur qui nous a gardé pendant toute cette semaine dont on faisait des navettes pour vous apporter la parole de Dieu. Dieu nous a protégés. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je remercie le berger Mzee José pour sa confiance. Dieu a tout maïni. M'avoir invité pour que je vienne vous apporter la parole. Que Dieu le bénisse. On peut vous accorder une voiture, vous roulez. On peut vous donner même la moto. Mais quand on vous donne la chair, c'est la confiance. Il s'agit des âmes. Que Dieu le bénisse beaucoup. Je remercie tous les diacres. Napiki accent toi chez ma chiote. Tous les conseils de l'église. Shauri yote a kanisa. Pour leur accueil. Dieu a kunpokilia. Dont j'ai été bénéficiaire. Il est une faidia. Je remercie toute l'église. Napiki accent tena kanisa yote. D'être venu à l'écoute de la parole. Parce qu'il ne peut pas y avoir des prédicateurs. Ça va à cause qu'on mobili. S'il n'y a pas des auditeurs. Kama kuna batu akushikia. De même. Vile. Il ne peut pas y avoir les auditeurs. À cause quoi, bakushikia. Si il n'y a pas les gens qui prêchent. Kama kuna bakubiri. Tous. Shibote. Nous complétons. Tuku na ingezeana. Que Dieu bénisse. Amen. Si vous n'étiez pas venu. Kama mwamukui. On n'allait pas prêcher les bancs. On passe kubiri. Nous allons prêcher les bancs. Fallait pas entouer quoi qu'on joue tout. Pour que les gens viennent, pour que nous prêchions. Que Dieu bénisse richement. Mwambariki sana. Que bénisse chacun de vous. Abariki la moja wenu. Je suis en train de vous dire au revoir. Nous n'aimilaka. J'ai encore quelques assemblées ici chez nous au matin pour aller prêcher. Entre autres, la semaine prochaine, Dieu voulant, je vais prêcher à Sirutu Lubumbashi là-bas, à Bongo. Je vais prêcher aussi après les frères de Luisha. Kisha mitenda ku Luisha. Il y a quelques assemblées, 3 ou 4 assemblées que je vais prêcher. Je vais préparer un voyage pour aller en dehors du pays. Kisha, mita safiri kutoka mwinji. Dieu voulant, peut-être entre mai, juin, là, il faut que je parte. Mai, juin, naweza kutoka inji. Nous avons besoin de vos prières. Tunaomba maombi yenu. Le travail est grand. Kazi kubunene. Continuez à prier pour nous. Mwendele na kutuombea. C'est pas facile. Aina kepesi. Merci beaucoup de votre accueil. Aksante kwa vile mtupokelea. J'ai ici avec moi des salutations des frères. Nuna masalama wa nduku. Il y a d'autres, on m'avait déjà donné, j'ai même oublié. Bengine wakasha nipatiaka minisabu. Recevez seulement ce que j'ai oublié aussi. Mupoke tu na ile masanamu minisabu. Il y a un frère qui vient de m'appeler, il est serviteur de Dieu à Lubumbashi, frère Rigen Kalala. Nduku Rigen Kalala, mtumishi wa Mungu Lubumbashi antoka mkunita. Il m'a appelé quand je venais ici. Munji arinita. Il m'a chargé de vous saluer tous au nom de Jésus. Anyembe msalimie ninyi wote mjina Yesu Kristo. Il y a le frère Jean-Luc. Nduku Jean-Luc. Delicacy. Il y a le frère Félix Diacre de Mampala qui est aussi serviteur de Dieu. Nduku Félix Shemashik Mampala mtumishi wa Mungu. Il y a le frère Patrick Koni. Nduku Patrick Koni de Kinshasa. Au Kinshasa. Actuellement, il est à Brazzaville. Absa Senobi ku Brazzaville. C'est là où il est. Il réside d'abord à Brazzaville. Il y a le frère Alain. Duko Alain. Berger de notre île de Litengwa. Tumishi wa kumatukutano wa Litengwa. Il était venu m'accompagner presque trois jours ici. Alors, deux ou trois jours. Il y a le frère Richard Tindi. Nduku Richard Tindi. Berger de notre guide de Kakamega au Kenya, Nairobi. Mutumishi wa Mungu Kenya, Nairobi. Il y a le frère Mbuyu Tuite. Nduku Mbuyu Tuite. Berger de notre église de Port Gentil au Gabon. Mutumishi wa Mungu wa Port Gentil kule ku Gabon. Il y a le frère Ikia. Nduku Ikia. Serviteur de Dieu dans notre église de Windhoek, Namibi. Wa ku Namibi ku Windhoek. Il y a le frère Josué Akwete. Donc Josué Akwete. Il est pasteur associé dans notre église de Tchaouro au Bénin, là où Mzee Pierre est en train de prêcher. Mutumishi mfasi kuloku Bénin kuloku ndungo indai. Il y a le frère Chris. Kundu Chris. Serviteur de Dieu aux États-Unis. Mutumishi Mungu Amerika. Il y a le frère John Mugeni. Donc John Mugeni. Il est serviteur de Dieu en Ouganda. Mutumishi Mungu kuloku Uganda. Tous ces bien-aimés, moi je suis chargé de vous saluer au nom de Jésus. Ah, pendo, on partage aussi ton salimia, mujina Yesu Kristo. J'espère que vous êtes dans la joie. Na tumani akusema tuna furaha. Je vous invite à vous mettre debout. Nimealika mushimame. Baba akuna Mungu kama wewe. Akuna Mungu kama wewe. Baba akuna Akuna Mungu kama wewe. Baba akuna Mungu kama wewe. Baba akuna Mungu kama wewe. Tena wewe ni hapana ume. Baba wewe ni Mwanzo kumi na tatu. Nous lisons à partir du verset 8. Tunasoma, tunaanzia mstari wake wa nane. Abraham dit à Lot. Ibrahimu akamwambia Lot. Kinye pweshe te pri. Na kusi kusikue. De dispute. Makukutano. Entre moi et toi. Kati yako uwe na mie. Ni entre mes bergers et mes bergers. Kati ya chunga kondo yako na chunga kondo yangu. Car nous sommes frères. Tuko anduku. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Et tu m'as dit, tu m'as dit, sépare-toi donc de moi. Ou tu t'es dit, basse, na mie. Si tu vas à gauche, comme on est à gauche, j'irai à droite. Mie m'étende à coumé. Si tu vas à droite, comme on est à coumé, j'irai mie m'étende à gauche. Je prie. Nous n'aomba. Seigneur Dieu notre Père. Buana, mungu na baba etu. Encore une fois ce matin, mara ingine tena asubuhi, nous te disons sincèrement merci. Tunakupikia asante kabisa. Tu es l'hélice de Valais. Oui, je ouwa ya mbondi. La rose de Charon. Rose ya Charon. L'étoile brillante du matin. Nyote asubuhi. L'alpha et Alpha l'oméga. Na omega. Nous voici devant toi Seigneur. Shiaba mbele yako Bwana. Avec des cœurs inclinés devant toi. Na mio yenye kuinama mbele yako. Nous voulons que tu nous parles. Tunapenda utusemeze. Parce qu'il est écrit. Ça m'indique quoi? À la fin. Mwisho. Personne n'enseignera son frère. Hakuna mtu atafundisha mwenzake. Mais du plus petit au plus grand. Mais laki kwanza batoto kwa wakubwa. Enseigner de Dieu. Bote afundisha na Mungu. Et de l'Esprit Saint. Na Roho Mtakatifu. Descend et parle nous. Shuka na utemeze tena Bwana. Béni mon frère. Bariki ndugu yangu. Béni ma sœur. Bariki dada yangu. Que les pécheurs. Mtenda zambi. Sois sauvé. Aokolewe. Que les malades. Mgonjwa. Sois guéri. Aponi. Que les problèmes. Mambo. Sois résolu. Ipate jibu. Commence avec nous. Ouanzenas. Termine avec nous. Normalité. Nous te confions tous les services. Au nom de Jésus. Mujina Yesu Christu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ngobali kinenu lake. Est-ce que vous allez aimer que partout je passerai que j'apporte aussi vos salutations? Et tu me tapes dans la face du capitaine nien de masalamu yen. Nous sommes en train de parler sur ce sujet. Quand c'est misère la Chine. La parole de Dieu. Ne de l'amour. Exige. Inalazimisha na naomba. La parole de Dieu. Ne l'amour. Oblige. Inalazimisha. Une séparation totale. Kutengana kwa loti. Bien-aimés frères et sœurs. Pendwa ndugu na dada. Ici ce n'est pas l'église qui exige. Hapa aina kanisa inalazimisha. Ce n'est pas un frère qui exige. Aina nduku mwa njo analazimisha. Ce n'est pas moi kabu qui exige. Aina mie kabu mina lazimisha. C'est la parole qui oblige. Lakini ni neno njo analazimisha. Et quand on parle d'une exigence. Na wakati wanasema ni hii ni lazimisho. Ce n'est pas une supplication. Aba kusi. Ce n'est pas une prière. Aina kuomba. Ce n'est même pas une demande. Aba kuombe. Mais c'est une obligation. Lakini ile ni mapashwa. Ba mangala wanasema ka olinga olingati. Le kinwa dis penda ushipende. C'est une obligation. Ni kusema utafanya vile. Vouloir ou pas. Upende wala ushipende. C'est la parole qui exige. Ni neno ndio nalazimisha. C'est une obligation. Ile ni lazimisho. Ce n'est pas une séparation symbolique. Aina kusema utengane tu kwa alama hapana. Ce n'est même pas une séparation superficielle. Aina kutengana kwa yuluulu. Ou bien une séparation formaliste. Wala kutengana tu kwa inje bila kuonekana hapana. Mais une séparation complète. Ni wewe kujitenga katika utele. Une séparation suffisante. Kutengana kwa kueneana. Une séparation kutengana kwa kwa utele. Aujourd'hui il y a des gens. Leo kubatu. Qui se séparent symboliquement. Ona tengana tu kwa alama. Il y en a qui le font formaliste. Batu wengine ifatu kwa injenje batu waone. Unamna tu ya kuonekana. Mais ce n'est pas ce que la parole exige. Mais aina ile sauti ya Mungu alomba. Ici la parole oblige. Hapa neno la Mungu inalazimisha. Ici la parole exige. Hapa neno la Mungu inalazimisha. Une séparation complète. Kutengana kwa kueneana. Kutengana kwa kutele. Bien-aimés frères et sœurs. Mupendo andu na dada. Le problème que nous avons aujourd'hui. Ni mambo tunao leo. C'est que les frères. Nusema banduku. Les sœurs. Badada. Veulent mélanger Dieu. Yo napenda kumuchanga Mungu. Avec leur coutume qui brise la parole de Dieu. Ma bisela yabo kenyo na vunja na Mungu. Ils veulent mélanger Dieu. Napenda kumuchanga Mungu. Avec leurs habitudes mondaines. Na mazoezo yabo mdunia. Ils veulent mélanger Dieu. Napenda kumuchanga Mungu. Avec les fétiches du monde. Na mabulozi ya mchao ya mdunia. Ils veulent mélanger Dieu. Kumuchanga Mungu. Avec l'occultisme du monde. Na ima occultisme ya mdunia. Bien-aimé. Mpendo. Ça n'ira pas. Vile abitendeka. Notre Dieu. Mungu wetu. Même pas le meilleur. Apendaye kumuchanga. Tout celui qui vient à Dieu. Yule wote anakuwa kwa Mungu. Il doit se séparer de tout. Anapasha kuachana abitu vyote. Notre Dieu. Mungu wetu. Même pas le meilleur. Apendaye kumuchanga. Nous sommes en train de manger la parole. Tunakula neno la Mungu. Quand les gens sont dans une fête. Wakati batu mkaramu. On ne demande pas. Aba uzaki. Quand vous trouvez les gens dans une fête. Wakati batu mkaramu. On ne demande pas. Aba ulizaki. Vous êtes dans une fête. Eti mgu feti. Vous verrez seulement leur joie. Utaona tu ile furaha iko ndani. Vous verrez les cris là-bas. Utaona malalamiko. Et nous aussi notre fête. Na shi karamu yetu. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Quand nous écoutons la wakati parole. Wakati sauti ya Mungu. Nous l'écoutons avec joie. Tunaishikia na furaha. Nous disons amen. Tunasema amina. Ce n'est pas pour la gloire du prêtre. Ananja utukufu amubii. Mais c'est pour dire à Dieu. Lakini njoo mwambie Mungu. Moi je suis fautif. Sema mie nous na cause. C'est la vérité. La parole restera toujours la vérité. Il faut toujours parfois dire à Dieu. La phrase qui est la moindre comme bien Mungu. Si je commets des erreurs. Parce que attaque même ma cause. Mais la kini neno lako una sheria. Ça va pour neno lako ne kala para sheria. Ça c'est l'évangile. Il est injili au falme. Ça c'est la vérité. Il est ukweli. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Oblige. Inalazimisha. Bien aimé. Upendo. Il y a des gens. Kubatu. Il vient au message. Et n'avoir ujumbe. Mais il garde encore les choses de Satan. Mais la qui a chunga tabito à Satan. Il est venu croire au message. Ariko amini ujumbe. Il a fait même des années dans le message. Anasha fanya na miaka. Mais il n'a jamais expérimenté Dieu dans sa vie. Lakini maisha yake haonjaka Mungu. C'est pourquoi aujourd'hui. Jukomana leo. Même dans l'église. Atam kanisa. Les dons ne se manifestent pas comme ça devait se faire. Mazawadi ayonekane vile ilipashwa. Même dans l'église. Atam kanisa. Aujourd'hui. Leo. Les gens n'expérimentent pas Dieu. Bato amonje Mungu. Après beaucoup d'années. Kisha miaka mingi. Ce n'est pas la faute de Dieu. Aina kosa ya Mungu. C'est parce que les gens. Sababu ne veulent pas se séparer totalement. A awapende kuachana kabisa kabisa. Il veut être friend du message. Bien apenda tu akwe umunduku. Il veut être ministre du message. Akwe tu muhubiri mujumbe. Mais il garde encore les choses de Satan. Mabitu wa shetani kuna chunga. Il veut être appelé seulement prédicateur. Apenda bamwite muhubiri. Il veut être appelé seulement sœur du message. Bamwite dada mujumbe. Ça ne suffit pas d'être appelé sœur. Bakikute dada bieneye. Ça ne suffit pas d'être appelé prédicateur. Bakikute muhubiri abenele pale. Il faut une séparation. Il a fazai sasa ujitenge kabisa kabisa. La séparation doit être constatée. Ujitenga batu apo kwa kuonekana. Une séparation complète. Kutengana kwa kueneana. Une séparation. Kutengana kwa utele. Nous avons vu avec vous. Mwana turiona. Jamais le grand Dieu. Yose a Mungu mkubwa. N'a jamais appelé Israël en Égypte son église. Kama wakati sasa kwa Musa shebaitaka se kanisa yake. Pourquoi? Jua nini? Parce que l'Égypte. Sababu Misri. Israël était esclave de Pharaon. Israël alikuwa mtumwa wa Pharaon. Un esclave ne peut pas na mtumwa hawezi kumtumikia Mungu. Jamais. Kamu. C'est Dieu. Ni Mungu en Égypte. Mungu. Mais vous pouvez l'appeler son église. Akuwezi kuwaita kanisa langu. Mais quand ils sont sortis. Mais wakati baritoka. À ce moment-là. Mwilo wakati sasa. Ils étaient esclaves de Pharaon. Sababu alikuwa watumwa wa Pharaon. Ils étaient esclaves du monde. Barakuwa watumwa mdunia. Ils exécutaient l'ordre de Pharaon. Baranza kutimiza bile Pharaon anazomwambia. C'est la même chose aujourd'hui. Jo vile mambo mwa leo. Kila nduku. Kila dada. Qui est encore en Égypte. Ule engariki umisi. Ule engariki mdunia. Unaishi wa kidunia. Il est esclave du monde. Ni mutumwa wa dunia. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit. Dans Jean. Yohan, 8. Munani, 34. Musa ya makumi tatu na ine. Il dit. Ine, quiconque se livre au péché. Ule ote lejitua kuzambi. Est esclave du péché. Ni mutumwa wa zambi. C'est à dire chaque frère. Nusema kila nduku. Il y a subuya leo. Ce matin. Touche l'andaneni. Nous ne pouvons pas nous tromper. Kama uko bongo. Si tu es en commentaire. Alaya yoko mutumwa wa bongo. Tu es esclave du mensonge. Kama uko naiba. Si tu es voleur. Uko mutumwa tu es encore esclave du vol. Kama wingari na si tu es encore fumeur. Tu es encore esclave de la cigarette. Si tu es encore ivrogne, tu es esclave de la bière. Si tu es encore jusque là dans l'adultère, tu changes encore de femme, on dirait des habits. Cela veut dire que tu es encore esclave de femme. Toutes seules qui se déshabillent encore à la cité, même si tu habilles en longue jupe ici, même si tu salues les gens avec respect, comme si tu es saint ou sainte, mais le problème, c'est ta vie qui témoigne. L'onction, ça tombe dans l'église, c'est, on dirait, c'est la pluie, et quand la pluie tombe, c'est sur les champs des méchants, sur les champs des ivrognes, même dans les champs de tous les féticheurs, la pluie tombe, mais l'onction aussi des dieux, c'est la pluie qui descend dans l'église. Lorsque ça tombe, même si quelqu'un adultère, il peut s'élever aussi, il parle en langue. Parler en langue, ce n'est pas ça les problèmes. Tu peux te tenir debout, tu interprètes les langues, mais le grand problème, la pluie ne peut jamais changer la nature de la semence. Si c'est le maïs, ça restera le maïs. Si c'est l'haricot, ça va rester l'haricot. Si tu adultères, même si tu parles en langue, cela ne veut dire pas que tu es sauvé. Tu dois t'examiner. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Nous ne sommes pas ici comme dans les dominations. Dans les dominations, vous voyez quelqu'un se tient devant les gens. L'église, je vous salue. Dis alléluia à l'église. Ah, voici le miracle de Dieu. J'étais fumeur de 5 boules de chanvre. Maintenant, aujourd'hui, je suis resté à 3. Ce n'est pas le miracle de Dieu. Et l'église dit amen, c'est le miracle. Ça, ce n'est pas le miracle. Arrête tout. Tu es encore. Arrête complètement. Ça, c'est l'évangile du royaume. Il est Dieu en femme. Donc, la grâce, même chanter la grâce, je voulais parler dans des termes que vous pouvez comprendre, même chanter la grâce, cela veut dire vivre la parole. Si tu veux chanter la grâce, ça ne suffit pas de chanter la grâce. Mais si tu veux chanter la grâce, il faut que tu arrives au niveau de pratiquer chaque parole de Dieu. Nous avons lié avec vous. Je vous dis notre station de Frère Banam. Ici, ne parlez même pas de la rédemption. Parce que la rédemption elle-même n'est même pas dans une église. La rédemption n'est pas dans un prédicateur. La rédemption n'est pas dans un évangéliste. Mais la rédemption, c'est tout dans le rédempteur. Et le rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu parles de la rédemption. Que tu dises que tu es délivré. Il y a des préalables. Il y a des conditions à accomplir. Entre autres, ce que Frère Branham dit. Dans sa prédication, le Dieu qui est riche à miséricorde. Il dit ceci. Au paragraphe 21. Il dit ceci. Lisons cela de 1965. Il dit. Et la rédemption. Na ukombozi. Votre attention, Église. Mwangari ukanisa. Et la rédemption. Ukombozi. Comprend deux parties distinctes. Iku na bipande biuri bya kwachana. Pour que tu parles. Njupate kusema. Que tu es délivré. Ya kombonesha kombolewa. Pour que tu dis. Njua kusema. Que tu as la rédemption. Una ukombozi. Il faut que tu accomplisses ces deux choses. Inafadhali utimize vitu biwili. Lesquelles? Binini. Tu comprends deux parties distinctes. Una bipande biuri bya kwachana. Oui. Ndio. Première partie, sortir de. Nikutoka mfazi. Ça c'est l'évangile du royaume. Ça c'est la vérité. Inukweni. Première partie de la rédemption. Pande ya kwanza kombozi. Frère. Nduku. L'appel de Dieu à Abraham. Mwito wa Mungu kwa Ibrahimu. C'est le même appel pour l'église aujourd'hui. Ile mwito mwamua ku kanisa tena leo. L'appel de Dieu à Abraham. Mwito wa Mungu kwa Ibrahimu. Il a dit. Alimwambia. Abraham. Quitte la maison de ton père. Toka nyumba baba yako. Ira dans un pays que je te montrerai. Ile mitakwambia. L'appel de Dieu à Abraham. Mwito wa Mungu kwa Ibrahimu. C'est l'appel à sortir. Ilikuwa ni mwito wa kutoka. À se séparer. Kujitenga. L'appel à sortir. Mwito wa kutoka. Cette dénomination. Ya mzebu. À sortir. Kutoka. De toutes les coutumes. Mazoezo yote. Et prise la parole de Dieu. Ile inavuja na Mungu. De tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, la préparation ne consiste pas à la bouche. La préparation, c'est que tout ce qui n'est pas de Dieu sort de nos vies. Sort même de l'église. Sort même de nos bouches. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. Pour parler de la rédemption, l'église de Dieu. Ce n'est pas une ONG. Aina ONG. L'église de Dieu. Kanisa ya Mungu. Ce n'est pas un organisme humain. Aina matenganizo mwa kimungu. L'église de Dieu. Kanisa ya Mungu. C'est un peuple. Ni taifa. Appelé. Yenye kuitwa. À sortir. Kutoka. Un peuple. Taifa. Appelé à sortir. Yenye kuitwa kutoka. De toutes les dénominations. Mu mazebu yote. De toutes les organisations. Mu matengenezo yote. De tous les fétichismes. Mu buchawi bote. De tous les défrisages mondains. Mwa kutengeneza wa kidunia. De tous les défrisages mondains. Kutengeneza kwa nyoro wa kidunia. Oui. Ndio. Appelé à sortir. Kutoka. De tous les mensperiques mondains. Ma perique yote kidunia. De tous les coutumes mondains. Ma zoezo yote ya kidunia. L'église. Ne peut pas faire ce qui se fait dans le monde. Ça c'est l'évangile du royaume. Ça c'est la vérité. Aujourd'hui nous avons un problème. Frère, nous avons un problème aujourd'hui. C'est pourquoi dans l'église, il y a des frères qui ont fait des années dans le message. Mais Saint-Esprit a chimoupaté. Le Saint-Esprit, il est toujours là pour chanter. Mais le Saint-Esprit n'a pas reçu. Il vient à l'église. Il fait des années. Le problème, c'est ça. C'est quoi? Séparation, il y a quoi total? Il ne s'est pas encore séparé totalement. Il garde encore les choses de Satan. Et j'aimerais dire à mon frère, j'aimerais dire à ma soeur, que tant que tu n'es pas séparé totalement, tu n'avanceras pas dans les choses de Satan. Tant que tu gardes encore les choses de Satan. Shetani, il y a des frères. Banduku, il est à l'église. Et mkanisa, même si on prêche. Ataka mabana ubiri. Lui il dit. Yenasema. Banasema. Ils ont dit. Mais mimi sitacha. Mais ça moi je n'arrête pas. Mais kuacha, mais il y a d'autres choses que je peux garder. D'autres je peux laisser. Nous avons des frères. Il garde encore des fétiches qu'il avait pris. Il vient à l'église, il chante. Il danse. Mais il garde encore ses fétiches. Il y a d'autres avec des filles. À la hanche. Il dit que c'est pour la protection. Professeur Okwasi. Mais avec des corps du diable qu'il avait pris chez les vins pour la protection. Honte à vous. Protection, il n'a aucun mot, ce n'est pas de l'esprit. Protection, Jésus Christ. Protection, c'est au Seigneur Jésus Christ. Comme on appelle protection, Léo. Pour me dire que Jésus Christ. Acceptez Jésus Christ. Tu auras la protection véritable. Pour les hommes, écoutez. Tout frère. Attends-le. Même aujourd'hui. Encore occultiste. Qui est encore occultiste. Oh. Eko kanka. Dieu est kanka. Framasson. Framasson. Oui. Dio. Eko muma. Illuminati. Dieu est dans l'éminence. Ah. Eko rose croix. Dieu encore rose croix. Les bintu ya dunia. Ce sont les choses du monde. Et les affaires de Dieu. Ils sont éloignés du monde. Si tu es ici. Tu es rose croix. Et kankariste. Ou framaçonneriste. Tu es païen au milieu de nous. Même si tu chantes comme un ange. Même si tu payes des vestes au prédicateur. Même si tu donnes l'argent au prédicateur. Mais si tu es encore dans cette organisation, tu crois qu'il doit dire, tu n'as pas encore cru. Ce n'est pas donné aux gens l'argent que tu crois. Si c'était le cas, les gens des églises, ici, les catholiques, ils sont caritatifs, ils donnent des béquilles même aux gens, faire guérir, faire soigner les gens. Si c'était ça, ils devaient être sauvés. Mais le poème dit salut, Nikujitenga Kabisa Kabisa. Donc, c'est pourquoi Jokoman, lorsque Salomon écrit, proverbe, si vous lisez au Mésaïe, Mésaïe m'a commis dans le la Bible dit quoi? Il dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Tant que tu gardes encore le péché du diable, tu peux essayer d'avancer peut-être chez le Dieu. Le diable va te prendre. Il dit, où est-ce que tu vas aller? N'est-ce pas, tu as encore le mensonge? Tu veux avancer? Le diable va te saisir encore. Il te dit, tu as encore mon adulté. Il veut avancer. Il te tient encore. Tu as encore la médisance. Ah, il te partit. Il te tient. Tu as encore mes fétiches. Tu n'avanceras jamais. Tu seras wakidini. Tu seras religieux. Tu chantes bien. Tu danses bien. Tu parles en langue. Mais dans le show de Dieu, tu ne peux pas persévérer. C'est pourquoi nous avons des frères aujourd'hui. Il est dans l'église. Dieu ne l'utilise jamais. Il a déjà gardé encore le show du diable. J'aimerais vous dire une chose. Votre attention. Ah, Mwangali. Le péché est cruel. Zambi na waka. Chaque péché que tu gardes, c'est ce qui va te nuire. Ne gardez rien de Satan. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la vérité. Comment? Frère, un chrétien, oui. Voleur, il n'existe pas. Un chrétien, adultère, il n'existe pas. Un chrétien, adultère, débauché, il n'existe pas. Chrétien méchant, il n'existe jamais. Même si vous le refusez, bien dit aux femmes, chrétien méchant n'existe pas. Pourquoi? C'est pourquoi on nous ment. Nombreux n'ont pas cru. Nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Qui qu'on encore appelé. On appelle. On l'appelle encore. Benetatel. La chirurgie de Dieu. C'est-à-dire. Un méchant ne peut pas apparaître. Lorsque Dieu sauve un homme, Dieu dit lui-même dans Ézéchiel, j'ôterai de vos corps ta touche au milieu. Je prends la personne de Kabou, il le met sur la table, il opère sans bistouri, opération sans bistouri, et il opère sans bistouri, il ouvre Kabou, il va ôter à lui les cœurs de pierre, il prend les cœurs de pierre, il met à l'intérieur, il prend la méchanceté, il a l'intérieur, il prend le bon cœur, il met là-bas. Où est-ce que tu seras méchant? Nombreux sont en train de nous mentir. Si tu n'as pas encore cru, crois véritablement. Beaucoup de gens nous trompent. Un chrétien méchant, il n'existe pas. Tu nous mens, tu fais semblant de croire. Ce n'est pas entrer dans l'eau que tu es devenu chrétien. Il n'est pas question de porter une longue jupe. Tu peux porter une longue jupe, même mon Afrique. Et rempli de l'hypocrisie, rempli de mensonges. Aujourd'hui, ça vient d'où? D'où vient dans le message? On ne savait pas qu'il y aura des escrocs. Mais aujourd'hui, nous avons des frères voleurs dans le message. On ne savait pas qu'il y aura des sœurs qui vont vous mentir. Mais aujourd'hui, il y a avec les sœurs avec beaucoup de versets. Cinq fiancés. Elle-même. Elle a déjà écrit même de nom. Moi, c'est lui qui va me marier. C'est celui qui sera ABC. A. Argent. Argent. B. Beauté. c'est chrétien. Chrétien comme Isho. Chrétien à la fin. Elle aime beaucoup l'argent. Elle a déjà classé les gens. L'autre en relation, il a l'autre. Il a... Tu es voleur maligne. Tu es maligne. Et je vais te dire une chose. Ce qui fait le bonheur dans le mariage, ce n'est pas l'argent. L'argent peut passer. L'argent peut se volatiliser. Mais ce qui amène le bonheur dans le mariage, c'est Dieu dans le mariage. Si dans votre mariage, vous avez Dieu, Dieu ne vous abandonnera jamais. Même si vous manquez des choses, Dieu vous en donnera. Amen. Ça c'est l'évangile du royaume. Dieu aux femmes. Ne vous y trompez pas. Oh, c'est l'argent. Quelqu'un peut se marier avec beaucoup d'argent, mais il commence à te tabasser dans la maison. Pour tous les frères qui tapent encore leurs femmes, ils ont des démons. Toutes les sœurs qui pétuent dans leur maison, elles ont des démons. Être têtu à l'église, elle est doux, on dirait l'agneau, c'est comme si elle est au ciel. Mais dans la maison, elle refuse, elle rejette la parole. Tu n'as pas encore cru. Il continue, il dit quoi? D'abord. Avant tout. Vous devez sortir. On n'a pas chaque tour. Sortir, mon macabre. Dans le commérage. Des fétiches. Pour quitter dans le fétiche. D'occultisme. Mon occultisme. Des fétichismes. Mon kibuchawi. De tout le, la mondanité. Mon kiduni akiot. De tout l'habillement mondain. Mon varier yote kiduni. Ici, je dois parler avec vous. Après, pas toute il faut sortir. N'a pas écouté. De toutes les manières d'habillement mondain. Mon varier yote kiduni. Oui. Dio. Sorti. Utoka. Comment frère? Non, non, bon message. Du message. On avait un pantalon. Prends les pantalons. On a un pantalon bien. On amène un pantalon correct. Pas. On voit aller tailler. On dit, on appelle ça kanga dadi. Quand ça colle sur le corps, quand il veut s'habiller, il va chercher des sachets. Après ton ami qui t'avait fait porter ça. Un chrétien. Mou Christ. C'était un honorable. Ni moi chimiwa. Un chrétien. Mou Christ. Il n'a pas besoin seulement d'être chancelier pour être honorable. Aïta, je sais pas quoi tu vas chancelier, je suis honorable. Si tu vas chancelier, bah d'accord. La justice existe. Ouaki amunyaki. Il est libre de tout danger. Il n'a combo à quoi tariote. Tant que tu marches dans la justice. Quand tu te mets ouaki. On ne va pas t'arrêter dans la vie. On ne va pas t'arrêter dans le vol. On ne va pas t'arrêter dans le mal. Ah, ou chancelier, moi chimio. Il n'est dit en femme. Ça, c'est la vérité. Ce sont des vrais chanceliers. Ce sont des chrétiens. Il va Christ. Oh. Est-ce que vous êtes là? Mugopali. Église de Dieu, vous êtes là? Mugopali. Dis à ton voisin, sépare-toi. Ambianduko, Kojitenge. Sépare-toi. Il faut une séparation totale. Fais que tu tenges quoi bien quoi quoi l'autre quoi quoi néana. Regarde, vérifie dans ta vie. Là où tu t'es pas encore séparé. Tu es une bonne sœur. Tu chantes bien. Tu salis les gens avec respect. Mais ton problème à toi, c'est la colère. Sépare-toi de la colère. Tant que tu es encore attaché à la colère, tu ne verras pas le ciel. Tu ne verras pas. Dieu n'a pas de petits-fils. Il a seulement des enfants, des filles et des hommes. Un enfant de Dieu authentique, il reste enfant de Dieu. Même si les problèmes deviennent difficiles, même si l'argent est trouvable, même si les gens ne le vivent pas, un enfant de Dieu, il reste enfant de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui va me changer. Ce n'est pas la conjoncture qui va me changer. Toto Amungu. Frère, il dit ceci. Anasema, il dit. D'abord, Kwanza, vous devez sortir. On n'a pas ce que toka. Et puis, Kisha, première partie. Qui pende à Kwanza. Sortir de. Kutoka mu. Deuxième partie. Qui pende à Pin. Entrer dans. Kuingia mu. On ne sort pas pour sortir. Abatoka que tu joues nous kutoka. Sortons pour entrer. Kuna toka ni joua kwenda kuingia fashi. Église de Dieu, vous êtes là. Mungu kupali. Nous sortons. Tuna toka pour entrer. Joua kuingia. Maintenant il dit. Ça anasema. D'abord, Kwanza. Vous devez sortir. On n'a pas ça kutoka. Beaucoup, certaines personnes. Batu bengine. Quelques frères, quelques sœurs. Kwanduku kidoko badada. Qui veulent amener le monde avec elles. Bon appena kubeba kidunia kende nabu. Mambo na changer frère. Les choses changent. Bantu. Les gens, ils sont de mondaine. Un frère avec son fils, il connaît même. Parce que mon fils, il est têtu. Maintenant, on vient à la fiancée et dit qu'on la prend d'abord, je suis fatigué. Mais tu es fatigué dès que tu veux donner un enfant de Dieu. Qu'il aille fatiguer encore l'enfant de Dieu. N'est-ce pas, tu es malin. Toi, tu sais que c'est le paganisme ici. Ta fille, elle est païenne, tu sais. Mais toi-même, tu me fatigues là. Quand viens te marier, tu pars, tu me fatigues, tu dégages un peu. Il te fatigue, toi, mais tu es fatigué encore l'enfant d'autrui. C'est la méchanceté, ça. C'est la méchanceté. Tu sais que ta fille est là comme païenne. Ah, tu veux mettre la facture avec ta païenne là. Tu sais, mais elle est païenne. Tu peux même la TVA de d'autres. Chirica. Énerve-toi. Chirica. Tu peux t'énerver. Maintenant, écoutez. Chiki. Certaines personnes veulent amener le monde avec elles. Mais la peine qui donne à quoi la kini. Vous devez sortir du monde. Pour entrer en Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Jopa. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Quel qui vient encore dans le paganisme, voleur, adultère. C'est un incrédule, il ne croit pas. Si il prêche. Le problème, ce n'est pas de prêcher. Ce n'est pas moi qui vous sépare. C'est le Seigneur qui vous sépare. Pourquoi il vous sépare? Pour que vous puissiez maintenant lui appartenir. Vous ne pouvez pas faire. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Maintenant, notez ça, c'est très important. Il dit, il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage. À quoi est-ce que tu as dit qu'il est quitté à Kuzuiza, Kunji, à Kupita? Ne laissez rien. Ne laissez rien vous bloquer le passage. Qui peut vous barrer les routes du ciel. Ôtez tout ce qui vous barre. Les soeurs, c'est ça le moment. D'enlever toutes choses sur votre chemin. Que votre route soit ouverte. Si tu regardes que la médiance c'est par toi. Si c'est le mensonge, c'est par toi. Si c'est le vol, c'est par toi. Dans votre route, qu'il n'y ait rien. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Si nous sommes ensemble, que Dieu bénisse. Que vous bénisse même là au balcon. Écoutez-nous. Ne laissez rien. Tout ce qui appartient au diable dans votre vie, que ça ne puisse pas être là. Vous que nous attendons le Seigneur. Tu vas attendre le Seigneur sans la séparation. Aujourd'hui, si dans l'église, les dons ne se font plus voir. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui sont attachés au monde. Vous voulez que Dieu guérisse les gens ici? N'est-ce pas, vous voulez voir le miracle? N'est-ce pas, vous voulez que Dieu puisse se manifester? Comment est-ce qu'il va se manifester? Pendant que nous avons encore des frères, les autres sont des diacres, les autres sont des prédicateurs, mais séparés. Qui ne sont pas encore séparés. Comment est-ce que Dieu va se glorifier? Pendant que la mondanité elle est encore là. La mondanité, elle est encore là. Regardez. Dieu, il n'est pas comme un homme. Ces hommes ici, ils peuvent t'évancer parce que tu... Parce que tu es naturel. Alors, une bonne soeur, elle a beaucoup de cheveux. Et quand quelqu'un voit beaucoup de cheveux, il va te vanter. Il va tuer naturel, il va te vanter. Mais quand Dieu veut te vanter, lui, il va même dans les cœurs. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup de gens, ils veulent le témoignage de celui qui domine là. Comme c'est le pasteur qui est devant, et tout le monde veut être que le pasteur puisse le vanter. Mais c'est lui qui fait droit. C'est Dieu qui nous connaît. Ne cherchez pas la gloire des hommes. Cherchez que Dieu puisse vous vanter. Là, quelqu'un peut te vanter aujourd'hui et demain il peut changer. Quelqu'un peut te vanter aujourd'hui, demain il va te médire. Mais si Dieu te témoigne, la vie dans ton cœur, c'est le témoignage vrai. C'est pourquoi la Bible dit, le témoignage des hommes est bien. Mais le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Et même dans cet âge, notez l'église. Même dans cet âge, écoutez, Enoch, pour que moi, pour qu'il soit enlevé. Il a reçu le témoignage de Dieu lui-même dans sa vie. Et aujourd'hui, pour Dieu, en tant que vainqueur, il faut avoir l'approbation de Dieu lui-même sur ta vie. Est-ce que mon gars est pas et tu peux te témoigner? Je ne t'ai pas. Ça, c'est l'évangile du royaume. Il est injure enfant. Que Dieu lui-même puisse te témoigner. Et non qu'à réussir le témoignage de Dieu. Même aujourd'hui. En aller où? Pour être enlevé en tant que vainqueur. Il faut avoir l'approbation de Dieu lui-même. Ah. C'est dire, hein? Si tu vis encore dans la dureté, tu es dans le rose croix, tu es dans les mensonges, tu es dans la médisance, tu es païen au tabernacle. La différence avec toi, tu es païen au tabernacle et naturel. Mais l'autre là, elle est mondaine. C'est ça la différence. Toi, tu es païen dans l'église, lui, il est païen du monde. Ma frère, le frère qui vend encore, vous les seuls, vous prenez des seaux, vous taillez, vous diminuez le seau, vos mesurettes, vous êtes encore des voleurs. Regarde, dans le magasin, il prend le mesurette, il va penser à diminuer les volumes pour diminuer les prix. Allez, tu es voleur, voleuse. Ça, c'est l'évangile du royaume. L'injili enfant. Oui. Dieu. Où les autres? Tout c'est lui. Et qu'on a ibata makuta baba yake munyum. Qui vole l'argent de son père dans la maison. Moi, je ne fais pas les mal, c'est l'argent de la famille. Tu es voleur. Tu n'es pas différent de bandits armés. Tout voleur, tout vol, c'est le vol. Où les autres? Tout c'est lui. Et qu'on a touché ma mimba. Qui avorte. Et qu'on a ouvert ma tête. Qui tue les enfants. On a pas de mimba. Tu tombes enceinte, tu avortes. Tu tombes enceinte, tu avortes. Je t'ai dit, tu es criminel. Aujourd'hui, répands-toi, tu es criminel. Et tout médecin ou infirmier qui donne le médicament pour faire avorter, honte à lui. C'est un criminel. C'est un criminel. C'est lui qui fait son travail. Séparez-vous avec la modernité. Vous les cambistes. Vous changez l'argent. Vous avez 5 billets au lieu de mettre 24 billets. Vous mettez 24. Tu es voleur. Oui. Voleur. Bradet, tu mets 24. On est 25, tu mets 24. Oh, c'est correct. C'est correct. Tu es voleur. Tu peux te vanter. Je te vois. Nous devons nous dire la vérité. Écoutez ce que Frère Branham dit. Qui t'a mouru chaud le 3 janvier 1981. Paragraphe 81. J'aimerais vous ouvrir cela un tout petit peu de 1963. C'est admissible. Vous voyez? Unaona? Non, c'est admissible. Si c'est admissible. Ni akuchika. Si c'est admissible. Dio ni akuchika. Kama ni akuchika. Kama. Vous voyez? Munaona. Le péché? Zambi. C'est l'incrédulité. Ni kutokuamini. Jo Zambi. C'est ça le péché. Kama uko na iba. Si tu voles. Uko na futa. Tu fimes. Atone njanga mtabernacle. Même si tu entres au tabernacle. Atone mbaga bushiku bushima. Même si tu chantes toute la nuit. Atone mbaga bushiku bushima. Même si tu pries toute la nuit. Mambo yako hapa. Le problème ici. Kama wingari mubundumba. Si tu es encore dans l'adultère. C'est que wingari ni bionyesha kwa wingari tu. Sont de près que tu es incrédule. Tu es incrédule au tabernacle. Uko na pika bibi yako. Tu tapes ta femme. Uko incroyant. Tu es incrédule. Ulikuwa diacre jao ya tabernacle. Comment tu es devenu diacre? Comment tu es devenu administrateur, tu n'as pas encore quitté le monde? Comment est-ce que tu es devenu prédicateur, tu n'as pas encore quitté le monde? Refuse. Dis seulement que je suis encore païen, je suis encore dans le monde. Quand il répond, un diacre, quand il te donne de répliques, et la personne se pose la question, c'est frère ici, c'est incroyant, ou je me trompe, parce que moi je pense qu'il y a eux qui nous ont dévancé un peu. Frère, il y a des choses, il y a des canaux par lesquels vous pouvez vivre. Oui, les mois passent, je suis. Est-ce que vous êtes là? Vous parlez. L'un d'eux, c'est la foi. Nimani. Et l'autre, Naïgine, c'est l'incrédulité. Vous trouvez Amine. Est-ce que vous êtes là? Quand il s'est à mon groupe, vous mangez un biri, il y a deux pieds. Soit. Voilà, tu as la foi. Iman. La foi. Marche. Comme père. Ce n'est pas moya. Avec l'obéissance. Nautif. Maintenant. Trace. L'incrédulité. Kouamini. Iko comme caractéristique. Na yon onesho. La désobéissance. Tokuti. Mushike uko. Suivez. Maintenant, la semaine. Il dit ceci. Vous pouvez vivre. Mon asquiche. L'un d'eux. C'est la foi. Ni iman. L'autre. C'est celui qui ne croit pas Oula, amin. Est déjà condamné. Maintenant écoutez ici. Fumer. Kufuta. Boire. Kunya. Commettre adultère. Ushalati. Mentir. Ulanda. Voler. Kuiba. Des imitations charnelles. Voilà, kufatirisha avec dunia. Frère. Il y a des gens ici dans le monde. Vérité yake mukinwa. Elle espère la vérité dans sa bouche. C'est ma bonjour. Il y a des gens qui abicoisent, qui achoppent les gens aujourd'hui. La personne qu'on appelle prédicateur, on l'appelle diacre, on t'appelle administrateur. Mais quand il y en a tenda comme un mondaine, il achoppe le frère. Il n'a pas encore quitté le monde. Malgré qu'il fréquente même l'église, il a fait longtemps dans l'église, mais il garde encore les choses mondaines. Ce que toi tu gardes, c'est ce qui va te tuer. Et le jour de ta mort, les gens vont témoigner. Mais quand tu es là, ton témoignage toi-même, nous devons nous dire la vérité, nous ne pouvons pas nous tromper. Fatisha Kidunia. Il est. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Njoma Tokyo Azambi. Si vous étiez croyant, vous ne ferez pas ces choses. Vous faites ça. Parce que vous êtes un incroyant. Uku mpagano. Vous ne croyez pas. Awamini. Vous n'êtes pas chrétien. Aona mkrist. Atona imbaka. Même si tu chantes. Atona chezaka. Même si tu danses beaucoup. Unasema na muluga. Tu parles même langue. Mais si tu fais encore ces choses. Avant de kuimba. Avant de chanter. Avant de prier. N'est-ce pas, arrange ta vie. C'est mal dans la même dans maison de Dieu. Et les autres nous nous croyons. Nous nous avons Dieu. Écoutez, c'est que Jérémie disait aux gens. Jérémie. Il dit ceci. Jérémie 7. Jérémie a ça. Allons vite, je ne peux pas faire trop de commentaires. Il dit Jérémie 7. Jérémie a ça. Ainsi par l'Éternel, verset 3. Ainsi par l'Éternel. J'aimerais attirer votre attention. Ce n'est pas ainsi dit l'évangéliste. Ce n'est pas ainsi dit le pasteur. Ce n'est pas ainsi dit l'église. Ainsi dit le Seigneur des armées. Ce que dit un homme. Il est asema. Peut changer. Ana juki badilisha. Ce que dit un homme. Il est asema. Peut nier. Ana juki bisha. Mais ce que Dieu a Mais dit. Mais qui asema. Le ciel passera. Bingu tapita. La terre passera. Tapita. La parole de Dieu. La mungu. Demain l'Éternel. Il va qui amilele. Ainsi par l'Éternel des armées. Il va amilele majesté asema. Le Dieu d'Israël. Mungu Israeli. Ce matin je veux dire. Il a asema. Le Dieu de Kambovu Tabernacle. Mungu Kambovu Tabernacle. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Il est aussi votre Dieu. Mungu enu amwe. Dit amen. Amina. Ainsi par l'Éternel, le Dieu de l'église tabernacle de Kambouf. Est-ce que vous voulez ce qu'il dit? Il dit, il parle à son église de Kambouf. Réformez vos voies et vos œuvres. Est-ce que vous êtes là? Réformez vos voies et vos œuvres. Réformez vos voies. Et séparez-vous de la mondanité. Séparez-vous de tout péché. Séparez-vous de toute incrédulité. C'est séparer de tous les paganistes. C'est séparer de toute la mondanité. De toutes les formes mondaines. C'est séparer de toutes les coutumes. Qui disent la parole. Il est à fond de la parole. C'est ça réformer vos voies. Il est à fond de la parole. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Temiacha mukale paifazi. Ini bwana jona sema. Il m'appelle. J'aime ça. Je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Maintenant il dit ceci. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Il y a des frères. Oh, je suis du tabernacle de Kambo. Oh, mon pasteur c'était. Oh, mon diacre c'était. Oh, espérance trompeuse. Et qu'on a iba. Il vole. Et qu'on a foutu. Il fume. Il y a même des frères ici. Et qu'on a lewa. Qui s'enivre. Qui se cache même de leurs frères. Qui bourrit, rempli. Ça va t'aider en quoi? Au nom du tabernacle, nous du message. Regardez. Écoutez. Être le message, c'est bien. On nous appelle des vérités. Notre vie aussi doit être une vie de vérité. Si vous avez des tribalismes, vous avez des acceptions de frères dans l'église, vous visitez selon les rangs. Les autres sont en train de pleurer. Nous, on ne voit même pas les visiteurs dans nos maisons. Nous, on ne voit même pas les gens qui nous visitent. Si vous faites des acceptions des gens dans l'église, ça va vous aider à quoi? Séparez-vous des acceptions. Et les autres, Kikabila. Il est tribaliste. Il veut que le pasteur soit le moment de sa tribu. Honte à toi. On t'a ici. Nous ne connaissons pas les gens selon la chair. L'œuvre de la croix. Jésus-Christ. Nous sommes sortis de nos tribus. Nous sommes sortis dans notre goutille. Nous a fait des enfants de Dieu. Oui. Toi. N'a pas coach. Même pour marier. Il ne faut pas prendre de tribus. Tu es encore païen. Nous, on ne marie pas nos fils selon nos tribus. Nous, on marie nos filles aux enfants de Dieu. Tu peux donner ta fille à un homme de votre tribu, il commence à les tabasser chaque jour. Mais quand tu donnes ta fille à un enfant de Dieu, il va la garder correctement. Il dit, ne vous livrez pas des espérances trompeuses. Je suis attiré Bongo. Des espérances trompeuses. En disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Je suis calé à mon tabernacle. Espérance trompeuse. Tu mens. Le sœur voleuse. Elle vole l'argent même de son mari. Elle dit, j'ai trouvé la chance. Ah, c'est ça. Quelle opportunité, tu es voleuse. Ne vous livrez pas des espèces trompeurs. Est-ce que tu l'as dit même? Tu es voleuse. Ne vous livrez pas des esprits trompeurs. En disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Mais si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice, si vous vous séparez, si vous pratiquez la justice, les maintenant je saute. Il dit, si vous allez continuer à la maison, voici. Ainsi par l'Éternel. Est-ce que l'Église de Dieu, vous êtes là? Voici. Vous vous livrez à des espérances trompeuses. Il ne sert à rien. Il a émis ça. Ça ne va pas vous servir. Nous sommes du message. Cela ne vous aidera à rien. C'est par toi. Tengana. Qui ne servent à rien. Aïssa dit au Kitu. PSNF. Psagatis. Quoi? Nini. Quoi? Nini. Dérobé. Oui, bah. Bamouij. Le voleur. Abana séparé la Bamouij. Ils ne sont pas encore séparés avec le voleur. Dérobé. Oui, bah. Chioué. Oua. Il y a même des frères. Oubandou. Qui tuent les autres. Benawa Bengi. Par leur langue. Oubitia Misemouyabo. Les calomnies. Machimango. Celui qui calomnie son frère. Oula Singizia Mounzaki. C'est lui qui parle mal de son frère. Dans le but de nuire à sa réputation. Qui n'a pas besoin du couteau pour le tuer. Tu l'as déjà tué. Sont des meurtriers aussi. Continue de dire. Tuer. Quoi? Commettre les adultères. Je me répète encore mes frères. Une jeune fille. Binti. Dans la maison de ses parents, ne peut pas connaître des relations sexuelles. Ça, c'est d'après le message. Si tu le fais, tu commets la souille. Un jeune homme Kiana. Dans la maison de ses parents ne peut pas connaître des relations sexuelles. Si tu le fais, tu commets la souille. Un homme marié ne peut pas connaître une autre femme en dehors de sa femme. Si tu le fais, tu commets l'adultère à l'égard de ta femme. Une femme mariée ne peut pas connaître une relation sexuelle avec un autre homme en dehors de son mari. Si tu le fais, tu commets l'adultère à l'égard de ton mari. Tu n'es pas la femme de tes beaux frères. Non. Non. Apana. Il dit, écoutez ce que j'aime ici. Il dit, dérobé, tué, commettre l'adultère. Les gens qui ne sont pas séparés. Bato, j'irai faussement. Offrir des lançants à balles. Ma frère va au kirtiste. Ma frère va au kirtiste. Le frère qui sont dans le rose croix. Frère, mon message. Dans le message. Et qu'on a toqué à Moukanissa. Il quitte l'église. Il part dans des réunions. Il part dans des réunions. Il y a ma franc-maçon. Les réunions des francs-maçons. Ah oui, mini frère. Il n'a pas encore cru une douce. Comme pagan. Tu es encore païen. Quand il y a un message, il y a un message. Si le message ne te convient pas, quitte seulement. Mais tu répondras pour ça. Tu penses que c'est les chances auxquelles tu vas te payer? La bénédiction, c'est Dieu qui donne. Fumili à tout. Attends ton temps. Chaque chose arrive à son temps. Ça, c'est l'évangile du royaume. Il est une ça, c'est la vérité. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, il continue. Vous venez, et puis, offrir de l'encens à Baal. Allez après d'autres dieux. Que vous ne connaissez pas. Maintenant, puis. Vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites nous sommes délivrés. Il faut accomplir d'abord ces deux choses. Sortir et entrer dans. Ne parlez pas de la rédemption. Parle aussi mon combo. On nous sommes sauvés. Voleurs. Adultère. Bon hôtel. Menteur. Frère en tout cas. Un frère quitte ici. Dubaï. Il part à Dubaï avec une femme. Tanzanie. Il part en Tanzanie donc, avec une femme. Il n'a pas encore cru. Je pas kutubu. Chaque jour, tu te réponds. Pardonne-moi, je suis tombé. Toi, tu tombes partout. Un chrétien. Ou Christ. Reste chrétien. Amen. Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens cherchent le réveil. Les gens cherchent à voir la main de Dieu. Comment vous allez voir la main de Dieu? Tant que vous êtes encore attaché aux vieilles choses du monde. Vous avez un Dieu. Comment est-ce que vous allez voir la main de Dieu? Dans sa prédication, une église séduite par les mondes. Écoutez, c'est à moi. En tant que ministre de la parole, le monde, la mondanité, nous la condamnerons jusqu'au retour du Seigneur. Tout est qui ukumu paka na pale bwana tarudi. La mondanité. Qui dunia. Fait tout est ukumu paka na pale. Nous allons condamner jusqu'au retour du Seigneur. On a eu quoi? Vous savez? Vieil homme. On est muto azaman. Et qu'on a foi ta bantu. Il suit les gens. Attends qu'on a Saint Esprit. Même si tu as Saint Esprit. Muto azaman on a foi. Les vieux hommes vont te suivre. Ah. Bantu. Les hommes, ils aiment prendre les choses du monde pour nous amener ça et que nous puissions accepter aussi dans le message. Parce que pour légaliser, il n'y a pas de problème. Du coup, non. Ces messages ne seront jamais une dénomination. Frère Banam, l'église est dite par les mondes. Alors, un réveil en notre temps. Comment pouvons-nous avoir le réveil alors que le véritable donateur du réveil est lié par le monde? Il est lié dans la mondanité. Frère, donc, si en vous, donc, il y a encore la mondanité, le Saint-Esprit n'entrera jamais. C'est quoi tu as fait des années, tant que tu gardes encore la mondanité, peut trouver une sœur Wassili, mais des insultes. Quand il veut t'insulter, tu veux dire, ah, c'est la sœur Wassili naturelle, ou bien c'est elle. Tu trouves un frère doux. Mais vous apprenez qu'il a tabassé sa femme. Il a tabassé sa femme. Un frère comme ça. La douceur n'est pas être chrétien au début. On pensait que le Seigneur qui faisait des miracles, ils étaient déjà au ciel. Mais le problème est là. L'homme véritable, c'est l'âme. L'âme qui est l'homme véritable doit expérimenter le salut et le renouvellement. Une onction ne suffit pas. Pas que toi, aîné. Aîné. Ça ne suffit pas. Il dit ceci. Dieu ne viendra pas là où se trouve le monde. Même dans l'église. Si vous laissez la mondanité démêler, Dieu ne sera plus dans cette église. Même si vous ne l'acceptez pas. C'est l'évangile du royaume. Anasema Dieu ne viendra pas là où se trouve le mort. Atakuyaka pale pa kidunia. Vous pouvez en être sûr. Unaweza kuwa na uhakika. Si vous vous associez avec le mort. Kama unaambatana na kidunia. C'est terminé. Unaisha. Kama mwe mnachangana na dunia. Si vous associez avec le mort. Parce que Dieu n'aime pas les mélanges. Apendake mchango. On ne peut pas mélanger Dieu avec la mondanité. Jamais. Kamwe. Dieu n'aime pas les mélanges. Mungu apendake mchango. Celui qui vient à Dieu. C'est encore au monde. C'est séparé du monde. Et ne jitenga na dunia. Si vous vous associez avec le monde, c'est terminé. Unaisha. Lorsque vous laissez le monde s'infiltrer et que vous vous mettez à agir comme le monde, vous habillez comme le monde, parlez comme le monde, dansez comme le monde, chantez comme le monde, faites les choses comme le monde, alors c'est fini pour vous. Unaisha kwenu. On n'a pas dit qu'il y a de l'espoir. Ah, c'est quoi que tu as dit? Quand vous laissez la mort, c'est terminé. Unaisha. C'est fini. Unaisha. Il n'y a pas d'espoir. Hakuna ya kutumaini. Mais, lakini, lorsque vous brisez tous les chaînes qui vous lient au monde, wakati mnavunja minyororo yote et que vous venez à Dieu, na kwa Mungu, Dieu vous utilisera. Mungu atakutumikisha sasa. Dieu ne peut pas utiliser. Na Mungu asiwezi kutumikisha mtu wa kidunia. Le monde veut des mélangeurs. Kidunia kinapenda kuchanga. Mais Dieu, mais Mungu, il veut des séparateurs. Et on apenda batu wala shajitenga. Est-ce que l'église de Dieu vous êtes kanisa là? Mungu Mungu pale. Le monde, dunia, veut les mélangeurs. Il apenda ba kuchanga chango. Mais Mungu il ye, veut les séparateurs. Et apenda bale basha kutengana. Quand vous venez à Dieu, na kwa Mungu, vous devez vous séparer. Unapasha kujitenga. Vous vous séparez pour appartenir à Dieu. Dieu a quoi au Mungu? C'est séparé. Kujitenga. De tous les coutumes du monde. De tout ce qui est monde. De tout ce qui est monde. Des amis monde. De tout ce qui est. Un chrétien. Mon Christ. Ne peut pas être intime avec le monde. Achez quoi rafiki sana na odunia. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se saluer avec les gens. À tous ceux qui ont l'amitié bantu apana. Des amis intimes. Mais quoi barafiki bangu? Ni ambiolo kuna tembea naye. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. La profondeur upana, appelle la profondeur. Inaitaka upana ingine. Ça c'est la vérité. Ini ukweli. Un chrétien. Christu, il doit marcher. Anapasha tembea. Avec un autre chrétien. Na mukristu mwenza. Il le dépasse dans la foi. Ule anamupita kwa imani. Si vous croyez en kama Dieu. Kama uona ndani ya Mungu. Si vous prenez la décision de croire. Mpango kwa mini. Vous devez vous séparer de tout ce qui est tenga na bile biote ya kidunia. De tout ce qui est péché. Bile biote vinokasa zambi. De tout ce qui n'est pas en accord avec la parole. Bile biote abiambatana na neno la Mungu. C'est pourquoi. Joko amani. 1 Corinthiens 15. Wa Korinto wa kwanza. Verset 33. Kumina, la Bible dit. Biblia sema. Mushilandaneni. Ne vous y trompez pas. Rafiki mubaya. Un mauvais. Analibishaka rafiki compagnie corrompt le bon maire. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Corrompt le maire. Kina la bisha bizalo muzuri. Ne vous y trompez pas. Amshijilani. Chende kulandana frère. Ne vous y trompez pas frère. Rafiki mubaya. Un mauvais compagnie. Corrompt le bon maire. Utakuwa na manière ya bien. Mais unaenda kuharibika. Mais tu seras corrompu. La mondanité. Dunia. Le péché Zambi est cruel. Inawak. C'est pourquoi Jukomana. Quand le Seigneur parle ici, wakati bwana anasema hapa, il y a des versets clés kuma misali de la Bible. Ya Biblia. 1 Corinthiens. Wakonto wa kwanza. 1 Corinthiens. Wakonto wa 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Wakonto wa pili. Allons rapidement. Twende haraka. 2 Corinthiens. Wakonto wa pili. 2 Corinthiens. Wakonto wa pili. Chapitre 6. Sura ya 6. Verset 14. Musaya 14. Écoutez église de Dieu, il dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Autrement dit, ne vous mélangez pas avec les incroyants, avec les païens, les féticheurs. Non. Ne vous mélangez pas. Il dit ceci. Ne vous mélangez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? Mjwani. Kwani? Quel est le rapport? Ni mapatano kani? Y a-t-il? Iko katika? Entre la justice. Na uaki. Et l'iniquité. Na uovu. Qu'y a-t-il de commun? Na nini ya pamoja? Entre la lumière. Katika ya nuru. Et le ténèbre. Na magiza. Quel est l'accord? Ni mapatano kani? Y a-t-il? Iko katika. Entre Christ. Ya Kristu. Et Belial. Na Belial. Ou quel part? Na nisemu kani? À l'infidèle. Iko na mwaminifu. Avec l'infidèle. Na washipo kwa mwaminifu. Quel rapport? Ni mapatano kani? Y a-t-il? Iko pale. Entre le temple de Dieu. Katika ya kala ya Mungu. Et les idoles. Na masanamu. Maintenant écoutez. Car quoi? Nous sommes le temple de Dieu vivant. Chez toi écale à Mungu mwenye kwa mzima. Frère. Nduku. Tu es le temple de Dieu vivant. Wewe uko écale à Mungu mwenye kwa mzima. Ma sœur. Dada yangu. Tu es le temple de Dieu vivant. Uko écale à Mungu mzima. Kama uko na kunwa. Si tu étanis. Uko na sharatika. Tu commets l'adultère. Uko na futa. Tu fumes. Tu détruis le temple de Dieu. Sema uko na uwa, una pomona kanisa la Mungu. Na una pomona kanisa la Mungu. Dieu aussi le détruira. Mungu na hata mpomona. Car Quand? Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Pas comme l'église l'a dit. Pas comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'habiterai. Ici, le verbe conjugué au futur. Il n'a pas dit au présent. Il n'a pas dit j'habite. Il dit j'habiterai. Et je marcherai au milieu d'eux. Il dit je serai leur Dieu. Il n'a pas dit je suis leur Dieu. Il dit je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Quand est-ce que Dieu deviendra ton Dieu? Quand est-ce qu'il sera, tu seras ton peuple? Maintenant il dit ceci. Verset 17. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi. Sortez du milieu de. Tokeni katikati yabo. Je devais attendre un grand amen ici. Banoshika amen mkubwa hapo. Sortez du milieu. Tokeni katikati yabo. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et tu es amen à quoi? Ça c'est l'appel solennel d'ici. Ini kuita ku Mungu anaita. Ce n'est pas un homme qui dit. Anamutu rasi. Il dit c'est pourquoi. C'est ça jokomana. Sortez du milieu de. Tokeni katikati yabo. Amen. Des féticheurs. Bah, diminuer des roses croix. Diminuer des menteurs. Des adultères. Le Seigneur a dit sema, sortez du milieu. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. C'est dit l'église. C'est le différent. Séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. L'adultère est impur. Usharati ni buchafu. L'hypocrisie est impure. Unafiki ni uchafu. L'orgueil est impur. Kiburi ni buchafu. Le mensonge est impur. Bongo ni uchafu. Hein? L'impureté. Uchafu. Écoutez maintenant, il dit. Mushiki. Ne touchez pas ce qui est impur. Mushikuse kwa chafu. Et je vous accueillirai. Na temipokea. Quand vous sortez. Wakati unatoka. Vous vous séparez. Unajitenga. Parce que l'église de Dieu. Sawa kanisa Mungu. C'est un peuple appelé. Taifa yenye kuita kutoka. Séparé. Ces gens que Dieu a séparés, il les a rendus différents. Même leur manière de vivre est différente. Leur manière de s'habiller est différente. Leur manière de parler est différente. Leur manière d'agir est différente. Ils sont différents. Un peuple rendu différent. Mais il dit, ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Maintenant il dit, à ce moment-là, quand vous vous séparez, vous sortez, le Seigneur a dit, je serai pour vous un peuple. Les gens nous mentent. Pour que Dieu devienne ton père, il faut que tu te sépares. Il faut te séparer. Tant que tu es encore dirigé par Satan, Dieu ne peut pas régner. Nous allons vous lire ça. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur. Si vous lisez en Jérémie 10, il dit. Voici les paroles que l'Éternel vous adresse. L'adresse de Dieu, il dit, ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Ça, c'est l'évangile du monde. On doit se séparer du monde. Le message elle-même, c'est l'appel à sortir. Bien-aimés frères et sœurs, si tu as ton oncle, qui est encore dans l'église catholique, si tu as ton oncle, ton frère, ta sœur, c'est le temps de lui dire qu'il sorte. La peur de ce message. Bien aimé, nous sommes avec vos tendalités. Parce que dans notre âge, Dieu Le Dieu du ciel, il a restauré la totalité de la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dans notre âme, il a restauré la parole, la totalité de la parole, tous les mystères qui étaient cachés dans les âmes, tous les mystères qui étaient cachés, Dieu les a révélés dans notre âme. Au temps de l'été, nous sommes avec vous, mes frères. Au temps de l'été, le catholicisme avait déjà régné. Et en ce temps-là, bien aimé, l'église catholique vendait la chrétienté. Il a kujisha kibukristu. Oui, Dio. La foi, Imani. Le salut, Ukofu. Était marchandé. Il y a bien ujisha. On vendait cela. Manza kujisha ile. On marchandait le salut. Manza kujisha ukofu. Na. Il y avait aussi le salut. Ulikuwa ukofu. Par récitation de prières. Kufuatana na kusema maubiba. Si tu veux être sauvé, tu dois réciter telle prière 9 fois. Maombi fulani, maombi fulani mara mbili. Tu dois réciter telle prière 10 fois. Mara kumi. Il y avait des choses comme ça. Ulikuwa bitu ya vile. Et les gens étaient dans des confusions. Na batu wako muvuruko. Dans cet âge là, notre Dieu Mungu qui aimait son peuple, la taifa yake, il a élevé l'été est venu arikuye. Pendant que l'église catholique prenait, vendait le salut. Okofu, pendant que l'église catholique marchandait le salut, il était élevé, l'été a kalamuka, il s'est tenu, ala shimama, il est venu avec la réformation. Akakuya na kurudishwa, c'était un réformateur. Alléluia, c'était un réformateur. Il est venu avec son message. Akakuwa na ujumbe yake. C'était la justification par la foi. Il a dit au peuple de Dieu. Il dit qu'il veut être sauvé. Ce n'est pas vander. Ce n'est pas réciter des prières. Ce n'est pas question. Tout ce qu'on faisait. Vendre les indulgences. À la fin de tout. Du quelqu'un meurt. On dit. Il faut aller encore prier. À faire sauter un purgatoire. Il n'était pas sauvé. De sa vie. N'était pas encore à quoi mon salut, c'est quand tu es vivant, quand tu vis encore, c'est là qu'il faut croire. Je parle et quand il est revenu avec le message na ujumbe de justification, il a dit anasema Okofu, le salut, aina kurecite ma prière. Ce n'est pas réciter des prières. Okofu, le salut, aina kuleta makuta. Ce n'est pas donner l'argent. C'est par ta foi. C'est kupitia imani yako. Ta lèvre accomplie au calvaire. Tu mises au calvario. Le salut. Je l'appartiens au Okofu. Et le salut. Na Okofu. C'est un homme. Ni mutu. Et cet homme. Na ule mutu. C'est le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristu. Nous les prédicateurs. Si baubiri. Nous pouvons vous montrer le chemin. Nous donner sanjia au Okofu. Mais on ne peut pas vous sauver. Tu es qui m'okoa. Sauver. Mukombozi. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristu. Nous les prédicateurs. Si baubiri. Nous vous montrons le chemin. Nous donner sanjia. Mais Yesu, il ne montre pas des manières. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Alléluia. Amen. L'été a restauré a rudisha la justification par la foi. Vous savez, bien qu'il a parlé comme ça. Attends, laissez ma ville. Mais ce n'était pas encore la totalité de la vérité. Mais là, qui l'a quoi outé les anéno? C'était une vérité. Il quoi nous quoi? Mais il quoi tout parti? Mais c'était en moitié. C'était une portion de la vérité. Quoi outé? Quand il était à Koufou. L'itérieur. L'itérieur. Sont restés. Barabakia. Ont commencé à s'enivrer. Barabakia Mukulewa. Ont commencé à suivre les gens. Barabakia Mukfata Ramukie. Ils ont commencé à commettre des atrocités. Barabakia Mukfabi Kubi Yenine. Kuiba Kuibi. Assez mal nous sommes justifiés. Même si nous volons, il y a pas de problème. Nous sommes justifiés. Même si nous commettons l'adultère, il y a pas de problème. Wesley, et notre réformateur qui est venu avec un message puissant de la sanctification, de la sainteté. Et quand Wesley est arrivé, c'était un réformateur. Il avait la vérité. Il a prêché. Il a dit aux littériens, même si vous avez été justifié, même si vous avez cru, maintenant, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et c'est ce qu'il y a dit dans la Bible. Recherchez la paix de tous. Et la sainteté, sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. Bila ile hakuna mtu atamona bwana na John Wesley akuya alikuwa anaenda kurudisha na alikuwa na ujumbe wa Yesu ile anaenda kurudisha watu kwa maisha takatifu ile anaenda kutakasa watu puisque c'est qui nous sanctifie aujourd'hui ile utakasa leo ni neno la Mungu Et un chrétien qui peut expérimenter la sanctification, on qui peut expérimenter les choses de Dieu, on appelle la conjure de Dieu, il doit écouter la parole et être prêt à être maintenant. Regardez, il a restauré la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Malgré ça, c'était seulement une partie de la vérité. C'était une partie de la vérité. Maintenant, il fallait que Dieu restaure. Et après le temps de Wesley, qui est décédé, nous sommes avec vous en Amérique. Tout le monde en Amérique. Il y a un homme, Joseph, qui a commencé un réveil. C'est un grand réveil. Il y a un véritable réveil. Ah, Moucho Akweli. Mouvement pentecôtiste. Ah, mouvement pentecôtiste. Qui a commencé là-bas en Amérique. Il est un véritable frère. Il a fait des dons qui se manifestent. Mais plus tard, les gens ont commencé à s'organiser. Ils ont commencé à prendre les dons. Ils ont fabriqué la palais à langue. Ils ont des puits gâchés. Même nous aussi. Nous avons besoin de dons. Nous avons besoin de parler à langue. Nous avons besoin de guérison. Mais ils sont authentiques. Qui vient de Dieu. Pas les choses fabriquées. Pas l'habitude à Kutunga. Ils ont commencé à fabriquer les dons. Ils ont commencé à aller derrière les dons. Et comme Dieu avait promis, il dit, je vous enverrai Élie le prophète, Nabi, Élie, afin que les jours du Seigneur arrivent. Ces jours grands, notre Dieu ne se trompe pas. Il a envoyé l'Élie qu'il avait promis pour restaurer toutes les vérités cachées. Tout ce qui était caché dans les vases. Dieu a envoyé frère Branham. Et Dieu a confirmé même son ministère. Il a confirmé par les miracles. Frère Branham, à l'âge de 7 ans, bébé d'abord, ils ont visité son lit. Une lumière apparaît. À l'âge de 7 ans, Branham en train de puiser de l'eau. Il entend une voix. Dieu lui dit, ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, j'aurai une affaire avec toi. C'était des bruits. Un jour, il était avec son ami. On peut lui donner la cigarette. Quand il voulait toucher, il voulait enfoncer la bouche. Il attendait brrrr. Il allait tourner et commencer à appeler. Pourquoi Dieu avait une œuvre à faire avec toi? Nous sommes avec vous le 11 juin 1933. Le 11 juin 1933. Pendant que Frère Mamet allait arriver au Rio, en train de baptiser, arriver à la 19e personne. Nous sommes à 19e. Les gens ont vu la présence surnaturelle de Dieu. Il y avait des milliers de gens. Et la voix fit entendre. Vous savez vous-même. Quand le Seigneur a parlé, il a dit, comme Jean-Baptiste, je suis envoyé pour préparer ma première venue. Je te donne un message. Frère bien-aimé, la parole de Dieu ne vient pas aux enseignants. La parole de Dieu ne vient pas aux évangélistes. La parole vient aux prophètes. Il a dit, ça, vous préparez ma première venue. Je te donne un message. Il préparera ma seconde venue. Et Frère Branham était sorti de la liste. Et le message Ujumbe que Dieu nous a envoyé, comme il avait déjà promis, il dit, mon peuple, ne sera plus jamais dans la confusion, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ce n'est pas la nouvelle lumière, mais c'est toujours cette ancienne lumière. La lumière qui était au matin, c'est cette même lumière qui est apparue au soir. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Et qu'est-ce que c'est le message? Le message, c'est l'appel à sortir, à se séparer des dénominations, de nos coutumes, des fétichismes, de tout ce qui n'est pas la parole. Sortez, séparez-vous. Quand Israël est sorti, j'ai voulu une écriture, je vous laisse partir. Écoutez, quand Israël est sorti, lisons cela avec vous. Psaume 114. Verset 1, rapidement. Quand Israël sortit de l'Égypte, Église, vous êtes là? Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, ils sont pas restés avec les païens, ils se sont éloignés des païens. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire. Notez cela. Quand Israël s'est séparé, maintenant, sasa, Israël est devenu l'endroit saint de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire qu'il est devenu le domaine de Dieu. Après s'être séparé, Israël est devenu maintenant Dieu. A commencé à dominer au milieu d'Israël. Parce qu'en Égypte, ils étaient dominés par Satan. Pharaon. Maintenant, dans le monde, tu es dominé par Satan. Mais si tu crois, tu viens à Dieu, tu dois te séparer, t'éloigner du paganisme. Maintenant, Dieu va régner dans ton cœur. Celui qui va maintenant dominer en toi, il ne peut pas y avoir deux personnes qui dominent. Satan te domine, Dieu aussi te domine. Madame, il y a des fétiches, il y a la mondanité, et puis Dieu aussi qui soit là. Toi, tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus. Crois, et Dieu va te réveiller sur toi. Judas est son sanctuaire. Judas est son sanctuaire. Il est son domaine. Quand la mère le voit, Wakati, la mère le vit. Bari, le Kamon. La mère le vit. Quand la mère le vit, Bari Kamon, elle s'enfuit. C'est-à-dire, quand Israël était séparé, séparé du paganisme, séparé, pagano, séparé, de, la masabiote, séparé de la mondanité, kidunia, la mère l'a vu. Mutoni tu imona, il a lancé, a dit, ah. Les rachetés sont là. Wakombo, wakombo, les gens qui sont séparés. Les gens qui sont rendus différents. Quand il le voit, bari naona, la mère libère la bari voix. Yo na, si tu te sépares, kama one jitenga, de tout péché, na masabiote, de toute la mondanité, kidunia kiote, ma démon est à quoi, les démons vont fuir. Na Mungu atakubariki. Et Dieu te bénira. Mambo, le problème, ni séparation totale. Ni kujitenga kwa l'autre. Mairi bache balabala. La mère a cédé. C'était un peuple délivré. Il quoi taifa yokuboleo. Un peuple taifa qui était séparé. Il quoi ni kujitenga. Bien-aimé. Mapendo. C'est ce que nous dit frère dans cette prédication. Je ne dois pas m'en tomber mon maubiri. Dernière citation. Mamu, c'est mamusha. Étant debout, levez-vous. Levez-vous, mes frères et sœurs. Et dans debout, je vous lis ça. Paragraphe 32, il dit, il est question d'une séparation totale. Apa, ni mamba kujitenga kabisa kabisa. Il est question d'une séparation totale. Kabisa kabisa. Ce n'est pas une séparation symbolique. Ana kujitenga tu alama. Bien superficielle. Wala kwa yurulu. Ou bien formaliste. Wala kwa inje inje. Non. Apana. Il est question d'une séparation totale. Kujitenga kwa lote. Maintenant, il dit, ça sème. Nous ne devons plus rentrer dans le monde. Nous sommes déjà sortis du monde. Kutoka mdunia. Ne rentrez pas encore dans le monde. Tu fais les choses du monde. Wala mbito wa dunia. Si rien à voir à faire avec le monde. Na mambo na dunia. Mais nous devons plutôt tunapasha kwa nous kinyume, attacher à Dieu. Kuambatana na Mungu. Pourquoi? Jua nini? Jésus Yesu vient chercher ena otafuta une épouse, bibi arusi, une femme, bibi, une église, kanisa, qui est séparée des choses du monde. Kutengana na dunia. C'est l'église que Jésus viendra prendre. Njo kanisa limu kutoka bebe. Ana kanisa ya mchango hapa. Il vient chercher une église. Une femme. Mwanamke. Séparée. Kule anesha ujitenga. Des choses du monde. Habitu ya dunia. Des soucis du monde. Gaiko ya dunia. Des traditions du monde. Mabisele ya dunia. Des coutumes mondaines. Mazoezi ya kidunia. Qui brise la parole. Ile unafunja na Mungu. Des dénominations mondaines. Mazebu ya kidunia. Des habillements mondains. Mufario ya kidunia. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyie neema. C'est pourquoi nous a envoyé. Je crois bien tutumia. Toi qui n'as pas encore cru. Wao yamini. Jésus t'appelle. Yesu anakuita. Fermons les yeux. Tufunge macho. Si tu veux te séparer. Kama unapenda kujitenga na vitu vya dunia. Si tu veux devenir croyant. Unapenda kuwa mwaminifu. Tu acceptes de te séparer. Unapenda kujitenga. Lève ta main. Namsha mkono yako. Il a dit aller partout le monde. Mungu asema mwende pa dunia nzima. Mubia ba njema. Celui qui croira. Unatamini. Et qui sera baptisé. Na atabatiziwa. Sera sauvé. Ataokolewa. Pendant que nous sommes debout. Wakati tu wa shesha mama. Les yeux fermés. Macho kufunga. Qui veut donner sa vie à Jésus. Penda kutoa maisha yake kwa Yesu. Tu baptisé au nom de Jésus. Mujira Yesu Kristo. Et se séparer de Jésus. Kujitenga na vitu vya dunia. Lève la main. Namsha tu mkono yako. Du côté des frères. Ngaba banduku. Montre la main. Onesha mkono. Merci frère, lève toi de la main. Asante nduku. Labuka pale kuya kumbele. Kuya kumbele nduku. Qui d'autre? Nani mwingine? Viens mon frère. Kuya nduku yangu kuya. C'est Jésus qui t'appelle. Yesu anakuita. Qui d'autre? Nani mwingine? Viens donner sa vie à Jésus. Potoa maisha yako kwa Yesu. Tu baptisé au nom de Jésus. Tu baptisé mujira Yesu Kristo. Viens frère, viens. Kuya nduku. Qui veut se séparer? Nani apenda jitenga. Et donner sa vie à Jésus-Christ. Na kutoa maisha yake kwa Yesu Kristo. Kuya. Lève la main, viens. La mshamukoro kuya. Du côté des sœurs. Gambo badada. Qui d'autre? Nani mungine. Jésus t'appelle. Yesu rakuita. N'hésitez pas. Apara kushita. Kushita shita. Apara kushita. Peut-être viens chaque jour à l'église. Saki na kuwa shikoto kanisa. Mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais au yale taka bujuma kwa Yesu. Pour te séparer des choses du monde. Na bitu wa dunia. Pour devenir chrétien. Dieu kwa mu Christu. Pour vivre pour Dieu. Dieu kuishi Dieu Mungu. Tu as vécu longtemps dans le monde. Naishi wakati mrefu dunia. Dans les péchés. Muzambi. Maintenant si tu veux vivre pour Dieu. Sasa unapenda kuishi Dieu Mungu. Lève ta main. La mshamukoro yako. Je t'attends. Mimi nakuchunga. Du côté des sœurs. Ngambo badada. Qui veut donner ta vie à Jésus? Nani apenda kutoa bujuma kwa Yesu. Au balcon là-bas. Ata au balcon. Descends, viens. Shuka kuya. Levez la main, je vous attends. La mshamukoro nakuchunga. Qui veut donner sa vie à Jésus? Nani apenda tobu maisha yake kwa Mungu. Usiache zambi kushinda rohoni. Mtu anataka kukupa uwezo kushinda shetani. Kidon. Nani mungini? Kidon. Nani mungini? Je. Kuya. Du côté des frères. Gambo andu. Nous avons un frère ici. Nous andu kumoya. Qui d'autre peut donner sa vie à Jésus? Viens, viens, viens. Jésus t'appelle. Kuya Yesu akuchunga. Du côté des sœurs. Gambo adada. Qui peut donner sa vie à Jésus? Nani apenda kutoa buzima kwa Yesu. Viens, viens. Kuya andu kuya. Jésus t'appelle. Yesu akuchunga. N'hésitez pas. Apana ushakia. N'hésitez pas. Apana ushita shita. Donne ta vie à Jésus. Utoa uzima kwa Yesu. Nous avons un deuxième frère. Tuna ndugu mwingine. Yesu ma servient. Yesu ma servient. Kuya dada. Jésus t'appelle. Kuya Yesu anakuita. Nous avons deux frères. Tuna ndugu wawili. Nous avons une sœur. Tuna dada moya. Nous avons une deuxième sœur. Tuna dada pili. Qui d'autre? Nani mwingine? Nani mwingine kuya? Jésus t'appelle. Yesu anakuita. Ne doutez pas. Apana ushakia. Séparez-vous du monde. Jitenge na dunia. Séparez-vous des paganis. Jitenge na kipagano. Séparez-vous de tout péché. Jitenge na zambi yote. Jésus vous appelle. Yesu anakuita. Qui d'autre? Nani mwingine? Viens mon frère. Kuya ndugu yangu. Viens ma sœur. Kuya dada yangu. Même si tu es au balcon. Hata kama uko balcon. Seigneur na kuaga shikote. Ah, peut-être viens chaque jour. Mais oui, on peut dire Yesu maisha. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Oh, yaitika ujiseparer. Tu n'as accepté de te séparer. Kuya. Venez. Sépare-toi. Ujitenge. Shuka. Descends. Hata kwa balcon. Même si tu es au balcon. Kuya. Viens. Tutakombea. Ils ont prié pour toi. Et baptisé mouba. Et te baptisé dans l'eau. Uchina Yesu. Au nom de Jésus Christ. Sépare-toi. Merci ujitenge. Ma sœur. Accepte dada. Qui d'autre? Nani mwingine? Viens mon frère. Kuya nduku. Kuya nduku. Venez ma sœur, kuya venez. Dadang, kuya. C'est lui qui m'a donné sa vie à Jésus. C'est lui qui m'a appelé toi, ma Jésus t'appelle. Yesu akuita. Du côté des frères. Gambo anduku. Attends au balcon. Même si tu es au balcon. Viens. Kuya. Viens. Kuya. Du côté des frères. Gambo adana. Venez. Kuya. Jésus t'appelle. Yesu Christ akuita. Pendant que nous sommes là. Wakati tuko hapa. Nous voulons entrer en prière. Mais. Maombi. Lakini. Réfléchis sur ta vie, mon frère. Est-ce que tu es totalement séparé? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Avant que nous entrions en prière, qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut baptiser? Tu as baptisé? N'hésitez pas. Ne doutez pas. Aujourd'hui c'est pour toi. Léon, je suis quoi? Demain c'est pour Dieu. Question de Dieu. Kuya. Lève-toi de là où tu es. Même si tu es au balcon. Tu es au balcon. Descends, viens. Shuka ukuye. Duku. Viens. Kuya. Pendant que nous voulons prier. Tu fais kuomba. Si tu veux t'ajouter. Kama unapenda ujengeza. Si tu es aussi. Kuya. Maintenant nous les anciens. Tiba zamani. Le Seigneur nous a parlé. Bwana tumezea. Il a dit. Anasema. Nous devons nous approcher de ta présence. Mapashu karibia mopu yake. Avec la révérence. Na heshima. L'humilité. Unyenyekevu. La crainte. Na boka. Et le Seigneur nous dit. Na Bwana tuambia. De nous séparer. Tujitenge. De tout péché. Na zambi yote. De tout le paganisme. Na bupagano wote. De tout le mondanité. Na kidunia kyote. Est-ce que frère. Eti nduku. Il est séparé. Usha ujitenga. Et tu gardes encore les gens du monde. Eti unachunga vitu wa dunia tena. Il ne faut rien garder de Satan. Aifa uchunga kitu wa imoke ya shetani. Il ne faut pas garder les péchés de Satan. Zambi ya shetani. Maintenant Jésus t'appelle. Sasa Yesu anakuita. Viens. Kuya. Crois en lui. Amini kwa. Même si tu as tué. Ataka mosha kuwa. Ataka mosha kutosha kama mimba. Yesu atakokoa. Donne ta vie à Jésus. Toa bujua kwa Yesu. Toa baptisé au nom de Jésus. Toa baptisa mujia Yesu. Toa baptisa mujia Yesu. Amini. Viens mon frère. Kuya nduku. Viens mon frère. Kuya da. Viens ma sœur. Kuya dada. Toi qui n'es pas encore baptisé. Wewe abatiziwa. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Wewe umpatia Yesu mzima wako. Kuya. On va te baptiser au nom de Jésus. Toa baptisa mujia Yesu Kristo. Nous avons ici des frères et trois sœurs. Église de Dieu. Vous les anciens. Le Seigneur nous a parlé d'une séparation totale. pas symbolique, pas superficiel, est-ce que réellement tu es totalement séparé? Comment tu marches à sa présence? Est-ce que tu as de la révérence? Est-ce que tu as de l'humilité? Il est temps que chacun de nous élève sa voix et prie le Seigneur. Prions tous ensemble. Prions pendant que je vais passer.